les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un festival de cinéma, c'est un film à lui tout seul. Un film qui s'étire sur plusieurs jours avec ses sifflets, ses rejets, ses discussions interminables, des critiques à qui la besogne n'est pas mâchée, pas plus qu'elle ne l'est pour les cinéphiles en général. Un film qui s'étire avec ses élus, ses spectateurs étonnés, aléatoires, ils passaient par là, passionnés, déçus, qui n'ont rien compris, etc. Un festival de cinéma, c'est une sorte de spectacle en continu, en salles multiples, une ambiance que rendait à merveille l'émission Clap sur, en l'occurrence Clap sur les rencontres du jeune cinéma à Toulon, le 27 juin 1973, sur France Culture. Messieurs les amiraux, monsieur le procureur de la République, monsieur le représentant de notre député, messieurs les députés, monsieur le président de Château-Vallon, enfin tous les présidents, comme ça j'oublie personne. Comme on le sait, à Toulon, tout le monde est président de quelque chose. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle des fêtes de la ville, un peu grande pour vous accueillir aujourd'hui, mais qui n'est sûrement pas trop grande pour certaines manifestations. Nous allons, cette année, ouvrir notre festival du jeune cinéma. Il y a un malentendu, c'est l'arrière-garde. C'est un palmarès, c'est un festival de l'arrière-garde. Et je crois que petit comité, ils sont en train de trouver le premier prix du ringard le plus arrière-garde, à tel point que les deux derniers films qui passent au festival, c'est deux Chabrol. Super ringard, super arrière-garde, comme cinéma de demain. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au festival de Toulon ? En qualité de quoi ? To bring him up too. Ce festival, vous le savez, il a démarré tout près d'ici, chez mon collègue et ami, le député maire de hier. Et votre cinéma de divertissement profite du cinéma libre. Et si maintenant vous avez dans le cinéma, par exemple, une nouvelle conception de vitesse de l'œil, une nouvelle conception de la vitesse de montage, ça vient d'où ? Ça vient du cinéma indépendant où il a été créé dans les années 50 et maintenant c'est utilisé par le cinéma commercial. Non, ça vient du cinéma de 1912 où ça existait déjà, enfin n'exagérons pas. Écoutez, alors là, vous n'avez pas inventé le cinéma en 1950 quand même. Alors, Jeannine Chollet, quelle est votre impression sur ce festival ? Eh bien, écoutez, mon cher ami, Enfin, bref. Bonne chance au festival du jeune cinéma. Que les Toulonnais y viennent nombreux, qu'ils protestent, qu'ils crient, mais qu'ils viennent. C'est bien ça. Générique. Clap sur les rencontres internationales du jeune cinéma. Richard Rhin, Jeannine Chollet, Pierre Girard. Thank you. Quand on est venu ici, on a dit on va avoir plusieurs auteurs, on va avoir plusieurs claps en un seul. Vous êtes d'accord là-dessus? Ah oui. Bon. Moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai l'impression que ça a changé un peu. C'est-à-dire que c'était une façon un peu abstraite de voir les choses et qu'en fait, c'est difficile, une fois ici, de le réaliser de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement plusieurs auteurs, il y a un événement qui est vraiment les rencontres du jeune cinéma à Toulon. Et qu'on se retrouve avec une masse de matériel qu'il va falloir traiter, dont on va essayer de tirer quelque chose, et il faut qu'on arrive à trouver ensemble une forme pour le faire. Moi, je propose qu'on fasse un truc impressionniste sur tout ce qui s'est passé dans le festival, c'est-à-dire un peu comme le film de Kubelka, d'ailleurs. C'est une série de souvenirs, quoi. Ça peut pas être moi, je ne sens pas autre chose. Hein. Moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, qu'on arrive, et là, je suis d'accord, c'est peut-être toi, Janine, qui va pouvoir le faire comme tu le proposais, qu'on arrive à rendre compte de cette espèce de précipitation et d'intensité du festival. Parce que finalement, en 8 jours, il y avait plusieurs dizaines de films, plusieurs dizaines de personnes. On était un peu fébrile, on était un peu affolé. Oui. Je crois qu'on n'était pas les seuls. Ceci dit, je veux dire, l'organisation même du festival, si tu veux, bon, c'est bien qu'on en tienne compte. Enfin, je veux dire, à la limite, c'est pas notre boulot aussi. Tu vois, je veux dire, le boulot, c'est refléter plutôt qu'est-ce qui se passe dedans. Dire, tu vois, bon, ces problèmes-là de prix ou non-prix, on en a parlé à Robert, il a très bien répondu là-dessus, ce qu'il a dit sur le prix ou pas, à quoi ça servait. T'as bien vu ce qu'il a dit, Venise, il n'y a plus de prix. Bon, aucun producteur, aucun distributeur ne prenne un film sur Venise. Bon, ben, c'est aussi con que ça. Non, moi, au départ, on avait dit qu'on ferait une émission sur le jeune cinéma. Alors, le problème, c'est de savoir s'il y a à Toulon, il y a le jeune cinéma. Ah oui, non, d'accord. Je crois qu'en fait, on s'est aperçu que le jeune cinéma, ça n'était pas seulement quelques films, quelques réalisateurs, mais que c'était aussi ce qui se passe à Toulon. Moi, je sais que je repars de Toulon très différent de ce que j'y étais arrivé. Non, mais regarde, il y a plein de contradictions dans le jeune cinéma aussi, parce que tu peux voir dans le cinéma d'aujourd'hui ou dans le cinéma de demain. Dans le cinéma de demain, effectivement, tu auras des réalisateurs, si tu veux, qui, dans le sens même du film, font un travail peut-être de sape, si tu veux, même même d'un film qui est peut-être plus révolutionnaire, puisque ce sont des gens qui font des films aussi depuis 25 ans. Kubelka, j'aime bien, mais ça fait 25 ans qu'il fait des films. Je suis assez contre cette appellation, d'ailleurs, cinéma d'aujourd'hui, cinéma de demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je préfère je préfère l'appellation de Kubelka qui dit je fais du cinéma libre. Ah oui, d'accord, oui, moi aussi. Marcel Mazet vous lit les prix. Alors le Grand Prix de la Recherche... Pardon, j'ai simplement oublié un petit détail avec ces incidents techniques. Monsieur André Astou, directeur général du Centre National de la Cinématographie Française, a tenu à venir spécialement à Toulon pour remettre les prix du cinéma de demain. Le prix de la recherche a été attribué à Hôtel Monterey de Chantal Anne Ackermann, Belgique. Bon, celle-ci étant absente, nous lui enverrons évidemment son diplôme. Le prix spécial du jury a été attribué à Image, film réalisé en hommage à Glauber Rocha par Luis Rosenberg Filho, Brésil. Où est Luis Rosenberg Filho? Il est là. Le Grand Prix a été attribué au film Willow Spring de Werner Schreiter, Allemagne. C'est donc Willow Spring que vous pourrez voir à 11h si vous le désirez au cinéma Le Grillon. Alors nous allons maintenant passer au cinéma d'aujourd'hui dont les prix vont être remis par Maurice Périsset. Où il est? Non, monsieur le maire de Toulon, monsieur Arex, a tenu à remettre les prix du cinéma d'aujourd'hui. J'ai l'habitude avec les réunions publiques. Vous n'êtes même pas très nerveux, finalement. Je vous félicite, parce qu'avec la chaleur, il faut y aller, hein. Bon, alors on commence. On commence à l'envers, comme d'habitude. Le prix du meilleur document a été attribué à la Semillas de la Aurora, réalisé par le Thaler de Montevideo, représenté ici par Armando Bergallo. Le prix de la meilleure comédie a été offert au village des Vierges d'Alberto Isaac, Mexique. Les prix spéciaux du jury. La vie rêvée de Mireille Dansereau, Canada. Engine Fender de Robert Cordier. Le prix Calimer est attribué à Cette nuit ou jamais de Daniel Schmitt, Suisse. Et enfin, le grand prix a été attribué au Serpent de la Lune des Pirates de José Luis Ranrey. Bravo! Mardi 12 juin, inauguration et cocktail à la mairie. Et grâce à vous, grâce aux efforts de tous et tous ceux qui vous aident, et j'en vois beaucoup ici, qui sont là, non pas tellement pour répondre à l'invitation du maire, mais très certainement pour vous manifester à tous ceux qui travaillent votre sympathie. Et en particulier, je suis très heureux de me tourner vers la marine. Je me tourne vers mes amis marins parce que souvent on dit la marine est à Toulon, bien sûr qu'elle est à Toulon. Elle est plus qu'à Toulon, elle est de Toulon. Mercredi 13, 3 salles, 13 séances. Cinéma Libre au Grillon, Michoui au domaine des Templiers, excellent. Vu le Palais d'amour de Solange Michoulier. Jusqu'à présent, j'avais seulement fait. J'ai assisté Peter Fleischmann dans ses films. Et, j'ai fait un peu la bonne à tout faire dans différentes autres émissions de télévision. Et c'est tout. Et c'était mon premier film. Hambourg, une des villes les plus célèbres pour la prostitution. Une femme a pénétré dans la grande usine à plaisir de la ville. Une maison close de 350 chambres. Je suis tombée par hasard aussi sur une jeune lycéenne qui se prostituait. Et je l'ai suivie. D'abord, au départ, je voulais suivre cette fille et savoir comment ça se passait, comment une jeune fille de 16 ans tombait dans la prostitution et pourquoi, et comment ça se passait. Et cette fille a disparu. Et je suis partie à sa recherche et je l'ai retrouvée à Hambourg. Et là, elle a redisparu et je me suis trouvée dans un milieu donc de prostitution, dans le milieu de Saint-Poly, où des souteneurs ont cherché la fille. Tout le monde s'est mis à sa recherche et on ne l'a jamais retrouvée. Jeudi 14. Vu. Composition in black and white de Peter Robin. Away from film. It takes the liberty away from film. How do you say away from film? Les films dans leur forme actuelle sont privés de liberté. L'expression du cinéma est sans liberté. Oui, parce que pour moi, le cinéma nouveau que je voudrais construire est aussi une manière de vie qui est nouveau. Pour moi, cet film et mes autres films sont films que j'espère sont films très subjectifs. Arrivée de Stéphane Audran, bronzé. On a vu un petit film là, formidable avec Fred Astaire. C'est vrai, c'est un petit film sur les marins. Et puis, moi, j'aime bien Fred Astaire. Et puis, je vois pas pourquoi j'aurais amené un film où j'ai tourné. Je trouve ça plus intéressant de voir un film que j'avais envie de voir, un des films de Fred Astaire que j'avais pas vu. Et écoutez, si vous l'avez vu, vous serez de mon avis, parce que c'était superbe. Non, là, c'est... Parce que j'aime bien Jacques Robert, parce que c'est sérieux, ici. Et puis, c'est Toulon. And to listen to them played on the gallophone. If you step out on the floor, you'll forget your home. If you go into your dance, you'll forget your woe. So come, get together, let the dance floor be your lover. Step as lightly as a feather, let yourself go. Engine Fender de Robert Cordier. On m'a demandé de faire une grande émission à la télévision sur les grands chanteurs de rock. J'ai fait une émission de 1h30 avec Jimmy Morrison, Otis Redding, Aretha Franklin, les Beatles. Le maire de New York, Richie Havens, chanté, etc. Hein. Et j'ai découvert, à ce moment-là, ce monde, finalement, infernal, de jeunes garçons qui ont 18, 19 ans et qui sont richissimes, du jour au lendemain. Et il y avait, par exemple, un personnage qui est mort à Paris, Jimmy Morrison, qui m'a fasciné. On est devenus très grands amis. Et je me suis dit, tiens, enfin, qu'est-ce qui se passe dans 2 ans avec ces gens-là? Et Bobby Dylan, qui lui n'était pas dans le show, mais qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? Tant d'argent, tant de force sur les autres. Enfin, c'était dément. Ils sont venus comme des jeunes lions, ils étaient beaux, etc. Et en 2 ans, avec la drogue et tout, c'était le désastre. C'est ça l'histoire, c'est ça votre film? Et le film, je l'ai écrit le scénario en 69, enfin, un an après avoir fait le show. Qui était un peu une vision de ce qui allait se passer. On m'a dit, mais c'est pas vrai, enfin, c'est beau, c'est merveilleux, ces gens-là, l'Amérique chante, il y a 50 millions de personnages qui vont écouter Allen Ginsberg, etc. Mais j'avais senti ce malaise, ce côté désaxé du pays. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire Engine Fender, mais j'ai voulu le faire pour montrer, non pas... Enfin, Bob Dylan et Jimmy Morrison ne se disent pas « Je suis une grande vedette du rock, je suis quelqu'un que des millions de personnes voient tous les jours, mais je suis un jeune garçon qui cherche. » Toulonnais. C'est toujours pareil, quoi. Chacun est dans son coin, on fait un peu de cinéma d'un côté, on fait un petit truc de l'autre côté, et puis voilà, quoi. Il n'y a absolument aucune unité, il n'y a que dalle dans tout ça. Le festival, c'est un très gros prix écho, et puis on y déballe tout ce qu'on peut là-dedans. Quoi. La conception du festival, d'une façon générale, ça vous paraît satisfaisant, ça vous paraît en progrès Non, moi, ça le festival tel qu'il est cette année, enfin, moi, personnellement, ça me dérange un peu. De trouver 3 salles, moi, je suis pas tellement d'accord. Je sais pas si c'est l'esprit de village qui fait ça, mais Moi, ça me dérange de voir le festival comme il est cette année. En ce qui concerne les journaux, les informations, je ne sais pas si vous savez, mais il existe une petite guerre entre les journaux qui font que certains journaux et certaines informations de Toulon ne passent pas jusqu'à Fréjus, et vice-versa, les informations de Fréjus ne viennent pas jusqu'à Toulon. Alors donc, il y a une sorte de cloisonnement par petites circonscriptions, si j'ose dire, qui font qu'il n'y a pas de communication, proprement dite, entre les habitants et les gens de Toulon et les habitants et les gens de Fréjus. Vendredi 15, dîner au château. Le public de Toulon est en majorité professionnel. Toulon fait bon accueil, mais le soleil est là et il faut vraiment aimer la moiteur des salles obscures pour ne pas aller se baigner. Colette Godard, Le Monde. Vu cette nuit ou jamais de Daniel Schmitt. Il y a des gens qui quittent après 15 minutes. Il faut dire peut-être que le rythme du film est assez difficile pour au commencement, parce que c'est un peu dehors du rythme des images qu'on a chaque jour à la télévision avec les films connus, tout ça. C'est un peu dehors parce que c'est très lent, comme vous avez vu, et c'est très concret et final. Et c'est difficile aujourd'hui, si vous êtes au cinéma, il faut s'habituer à ce rythme. C'est un rythme un peu différent. Et si il y a des gens, des gens qui ne peuvent pas s'habituer, alors ils quittent après 10 minutes ou un quart d'heure. Et puis il y a des autres gens qui quittent pas, mais qui veulent quitter. Mais ils quittent pas et ils resteront jusqu'à la fin. Et ça, je sais parce qu'après les discussions, on voit un peu de les réactions. C'est une chose que moi, je ne comprends pas. Et puis, il y a des gens qui restent et qui développent une relation positive. Et s'ils développent, ils développent une relation assez forte, j'ai remarqué. Alors, il y a les deux possibilités. Mmh. Il y a trois, oui, il y a encore cette chose. Et c'est le groupe qui m'intéresse, qui hésite, qui n'aime pas, c'est-à-dire qui ne développe pas une relation affirmative, mais qui est encore là, il regarde. Il ne quitte pas le cinéma. Parce que c'est une chose que moi, je ne comprends pas. Quand je vois un film, il ne me plaît pas. C'est-à-dire, un film pour moi qui ne me plaît pas, c'est un film où je ne peux pas développer une relation positive, moi. Pour moi, alors, c'est un mauvais film. Pourquoi c'est très difficile à dire dans chaque film ou chaque image, parce que ça va très lourd dans la sous-conscience des gens. De parler sur le contenu de quelque chose, c'est une chose très, très difficile. Parce que le contenu, je crois, c'est un rendez-vous très, très vite. Un rendez-vous très, très vite. Et d'en parler du contenu, de n'importe quelle chose qui vous touche, qui vous frappe, c'est difficile parce que ça va dans la syntaxe. On sait très très peu sur la syntaxe de la réception, et la réception ça a aussi à faire avec toutes les images que vous avez déjà vues dans votre vie. Pourquoi est-ce que dans un certain point ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Et si ça me plaît pas, moi je quitte, moi je reste pas. Alors le groupe dans mon film qui reste mais qui n'aime pas, ça, je trouvais intéressant. Vous pensez que les gens partent à cause du contenu ou à cause de la forme? Vous dites à cause du contenu, c'est peut-être la forme aussi, puisque c'est très lent, justement. Je ne sais pas, mais de l'autre côté, dans mon film, c'est un des principes les qui sont assez importants, que je prends une vieille théorie de la théorie d'art bourgeoise. C'est tout du 19e siècle, comme toutes les idées d'aujourd'hui, tout 19e siècle. Je prends la identité de forme et contenu. Ça, c'est un vieux principe bourgeois. Et je fais ça dans mon film. Mais je fais ça un peu exagéré. Ça, vous faites un principe bourgeois exagéré? Oui, je prends ce principe. Vous comprenez? Je prends ce principe. Et je prends ce principe comme forme. Et je montre une chose. Je fais une parodie, mais je fais la parodie parce que je fais la célébration. Mais c'est complètement identique, son et image. Et puis, en l'exagérant, si ça fonctionne en exagérant, vous pouvez le désavouer sur ce valeur banale. Des choses qu'on pense que c'est très important, très, et que ce sont des choses, des clichés. Et c'est ça, c'est un principe aussi. Alors je ne sais pas pourquoi les gens quittent, je ne sais pas, mais ça m'intéresse s'ils quittent. Self will foods make. Ben, nous, on était à Toulon parce qu'il y avait des films qu'on voit peu ou pratiquement pas en France. Les films qu'ils appelaient structuralistes, et, ce qui veut strictement rien dire. Et des films qu'on appelle expérimentaux, marginaux ou d'avant-garde, ce qui veut pas dire beaucoup plus. Disons des films différents, et c'est cela qui nous intéressait. Au grillon, cinéma libre et discussion. Si vous travaillez pour votre plaisir, vous arriverez à une chose qui peut plaire aux autres. Alors, j'ai par exemple, j'ai pris Peter Kubelka, cette danseuse, et j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec elle et j'ai pris un élément sonore, un autre, et un autre, et un autre. Et puis je suis arrivé à cette combinaison. Cette musique de mauvais goût, cette musique trop romantique. Et puis la danseuse fait ce mouvement très beau, vous comprenez? Alors, c'est aussi comme faire la cuisine. J'ai cuisiné un élément sec, beau, avec un élément maladif, un élément de kitsch. Hein? Et j'ai créé une tension, une très grande tension entre ces éléments. Non, ça ne s'appelait pas le cinéma de demain. À Toulon, il y avait trois tranches dans la pâtisserie toulonnaise. Il y avait le cinéma d'aujourd'hui. Guy Fiman. C'est-à-dire les films qui sont presque comme les films commerciaux, mais pas tout à fait aussi bons. Il y avait le cinéma de demain, c'est-à-dire les films plus mauvais, qui ne sortent pas encore, et qui sortiront sans doute jamais. Et puis, il y avait autre chose, sous un nom, enfin, sous le colloque, l'appellation cinéma structuraliste, qui était au fond des films de cinéastes de New York qu'on ne voit jamais, dont on ne parle jamais, plus quelques films allemands. Alors, effectivement, il y avait une ambiguïté sur le cinéma de demain, parce qu'il y avait quelques films qui étaient dans la catégorie ou dans la tranche cinéma de demain et qui en fait aurait dû être simplement dans le colloque et pas du tout. Je pense au film de Nekes, Two Men, et puis également au film, aux deux films d'Ackerman, La Chambre et Hôtel Montré. Et puis quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, ah c'est beau, ça c'est, j'aime ça, ça va être dans le film. Et j'ai éliminé chaque élément où j'ai dit oui, mais c'est bien trouvé, mais ça peut aller. Vous comprenez, j'ai seulement retenu des passages avec intensité grande. Et ça s'est peu à peu organisé de façon à ce qu'il y ait, pour finir, des choses qui soient plus au début, des choses plus à la fin, mais ça n'a pas d'autre valeur que ça. Ça n'a aucune importance. Mais en accumulant, naturellement, j'ai trouvé puis... des systèmes, parce que j'ai dit j'avais ces éclats, ça... C'est des films différents, en ce sens que il n'y a plus de narration, il n'y a plus un système représentatif, et que c'est des films qui produisent des opérations sur le cinéma lui-même, c'est-à-dire que ça peut aller, alors là, ils peuvent être très différents les uns des autres, ça peut aller jusqu'au film de Kubelka qui s'appelle « À des bars », qui est qu'une composition de photogrammes blancs et de photogrammes noirs, où il n'y a même plus un seul trait, comme ça peut être aussi bien la région centrale de Michael Snow, où pendant 3h15, on n'a que des mouvements de caméra. Mouvements de caméra d'ailleurs qu'on n'a jamais vu au cinéma, puisque il a construit un appareil, un pied spécial permettant de faire des mouvements de caméra que les pieds standards ou tous les supports de caméra du cinéma depuis qu'ils existent ne permettent pas de faire. Et ces mouvements de caméra sont faits uniquement sur un paysage complètement désert pendant 3h15. Moi, je pense que ça passe complètement au-dessus de la tête des gens ici. Moi, je vois dans le quartier sur lequel on travaille, bon, mais les gens au festival de Toulon. Qu'est-ce que vous avez comme projet, comme genre de film en général? Porno. Ça marche très bien, ça. Ça marche très bien. Ah, comment s'appellent les films, comme les dire, là, qui passent actuellement? Eh ben, vous avez le meilleur, là, c'est Les Caresseuses, là. Comment s'appelle? Sexe motorisé. Et ensuite, les autres? Les autres, ben, vous avez toute la série là-dessus, là, il y a 6 ans, là, féminin. Vous avez L'Hôtesse de Copenhague? Non, mais c'est pas un truc porno, ça, hein? Si. Si, oui. Si. L'Hôtesse de Copenhague. Les vacances, comme c'est déjà les vacances. La main de fer, mais en fait, c'est pas mauvais. La main de fer. Samedi 16, 28 degrés à Londres. Vu les prisons aussi, présentées par le groupe Information Prison. Là, j'étais vachement étonné quand je suis venu ici, parce que je croyais que c'était un festival de jeunes cinémas. J'entendais par là, moi, un cinéma dans lequel un certain nombre de gens ayant peu ou pas de moyens et voulant utiliser le cinéma comme moyen d'expression avaient une tribune. Je croyais que c'était ça hier. Ouais. Puis en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus un cinéma de recherche formelle, enfin de recherche d'écriture cinématographique. Ouais. Le film a été fait pour le groupe d'information sur les prisons. Bon, ce groupe avait commencé à faire un certain nombre de brochures, et à ce moment-là, on s'est mis en rapport avec lui, et il nous a chargé de réaliser un film sur les prisons. Alors, le groupe d'information sur les prisons, il définissait lui-même son objet. Il disait d'une part qu'il voulait dénoncer l'institution, enfin l'univers pénitentiaire en France, mais que d'autre part, il n'entendait pas se substituer aux détenus pour le faire, et que son objectif était de permettre aux détenus de faire eux-mêmes ces dénonciations. Le film est bâti exactement sur le même principe, puisqu'il n'y a que des détenus qui parlent, et que c'est eux qui parlent à la fois des conditions pénitentiaires. Il y a quelques gardiens, et il y a effectivement aussi deux groupes de jeunes ouvriers, qui ont des positions d'ailleurs différentes, et qui parlent, eux, des rapports qu'ils entretiennent avec le monde de la prison, rapport ou non-rapport, enfin ce qui les sépare ou ce qui les rapproche du monde des détenus. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un des films qui doit être les moins chers de l'histoire du cinéma, parce que 18 000 nouveaux francs pour faire un long métrage de 1h40, je crois que ça arrive pas souvent, ça. Et c'est un film qui a complètement échappé au circuit de production normaux, puisque c'est la cotisation d'un certain nombre de gens qui nous ont permis de le réaliser. C'est les gens du GIP ou des amis du GIP qui, bon, ont donné une certaine somme. Le GIP reste propriétaire du film ? Non, le GIP ne reste pas propriétaire du film parce que le GIP en tant que tel n'a pas d'existence légale, d'une part, et d'autre part il n'existe plus puisque maintenant, justement, il y a des détenus qui, eux, ont pris en main le problème des prisons. Donc le GIP reviendra, le film appartiendra à ce qui s'appelle maintenant l'ADD, l'Association des droits et défense des détenus. Il appartient. À 23h, au Grillon, le Tout Festival assiste à la projection de Willow Spring de Werner Schroeter. Généralement, je pense que j'exprime dans mes films très personnellement une structure qui existe beaucoup dans les têtes bourgeoises. Bourgeois ? Oui. C'est une le désir d'être au dehors de tout, c'est comme ça. Pour moi, c'est pas important, c'est seulement un côté de mon caractère, et je les use comme toutes les autres choses dans mes films. Il n'y a pas une structure directe que je veux communiquer, c'est une complexité des choses que je moi-même représente et les amis avec lesquels je travaille. Travail très personnel, mais on a eu beaucoup de monde qui s'intéressait à ça toujours. Pas beaucoup, ça veut dire qu'il y a quelques personnes qui s'intéressent. Et ça, c'est en relation avec les moyens de la production de mes films, tu sais. Oui, c'est parce que je reste toujours la même personne, même si j'ai changé beaucoup pour moi. Mais l'échange censé sensible n'est pas trop visible, alors on trouve toujours le même style dans un certain sens, mais pas le même contenu. Pour le film Willow Springs, pour moi c'est bien différent de La Salomé ou de Akakatapa ou de La Mort de Maria Malibran, mais on trouve le même... Forme. Le même forme, oui. Pourquoi tu utilises toujours cette forme, justement? Parce que je suis comme ça. La plus grosse vedette du festival, Andrea Ferréol. Ah si, j'ai fait un somptueux repas ce midi, avec beaucoup de vin et du Ricard, j'avais soif, je bois du Vichy. Fin de journée, cocktail à la résidence du Cap Brun, chute de quelques starlettes dans la piscine. Dimanche 17, programme du Strasbourg. 14h30, L'Homme de Feu. 16h30, Du côté d'Orouette. 20h30, Hommage aux comédiens. 22h45, L'Homme de Feu. Programme de Paris. 10h, triple écran, Des Christes par milliers. 11h30, Et courir de plaisir. 14h30, La Vita in Gioco. 16h30, La vie rêvée. 20h30, Jeux de société. 22h45, La vie rêvée. Programme du Grillon. 10h, Le cinéma structuraliste. Projection. 14h30, Le cinéma structuraliste. Travaux, débat. 16h30, Alfred R. 20h30, Halte au terrorisme anti-arabe. Les images. 22h45, We can't go home again. Hors compétition. Du côté d'Orouette, de Jacques Rosier. Je m'appelle Jacques Rosier, j'ai fait deux films jusqu'à présent. Le premier, Adieu Philippines, qui est sorti en 1963, et le second, Du côté d'Orouette, qu'on vient de voir cette année à Cannes, mais enfin qui en fait est terminé depuis 2 ans. Entre-temps, j'ai travaillé un peu à la télévision, et puis j'ai surtout essayé de faire des films. Bon, je crois que la présentation est vite faite. C'est-à-dire que on n'existe que parce qu'on a fait, mais personnellement, on existe aussi parce qu'on a voulu faire. Rencontrer deux critiques, Guy Tesser de l'Aurore et Samuel Lachise de l'Humanité. Le festival de Toulon, c'est d'abord un peu de soleil. C'est des vacances dans la mesure où il y a toujours la mer, le soleil. Mais en définitive, on voit quand même 4 films par jour et c'est pour moi très important parce que ce sont des films que nous n'avons pas la chance de voir à Paris ou ailleurs. Mais c'est quand même du travail, et même du travail plus sérieux qu'ailleurs. Ce sont surtout des découvertes. Pour moi, les découvertes de gens... Si on veut, dans la mesure où, précisément, on ne sait pas, la besogne ne vous est pas mâchée, et il faut vraiment que vous alliez à la découverte. Or, the body. Continue. Excitation to motor neurons in Lundi 18, déjeuner buffet à Château-Vallon. Agréable. Vu Les serpents de la lune des pirates de José-Louis Jorge. La description de 5 journées de la vie d'une danseuse de cabaret de Los Angeles. Je connais assez bien parce que j'y travaille depuis quelques temps. Qu'est-ce que vous faites ? Je dansais dans plusieurs boîtes, comme ça, parce que je gagne de l'argent. Aussi, je fais des études de danse moderne avant de faire des études de cinéma. Vous dansez dans les boîtes aux États-Unis ou en France ? Oui, je dansais là, à Pigalle, à Paris. Vous pouvez m'en parler ? Non, ça ne vaut pas la peine, je viens de le quitter. Pourquoi c'est une expérience qui est enrichissante pour vous ou pas ? Oui, d'un certain côté, mais ça fait trop partie de milieu que j'explore, alors je préfère pas en parler. On n'est pas bien, on n'a pas compris du tout. Des intellectuels, mais enfin. Une danseuse écœurée par la vie qu'elle menait. Mais après, hein, y avait certaines scènes, c'était plutôt difficile à définir. Oui. Bon, c'est pas le genre de film que vous aimez voir d'habitude. Ah non, je crois pas. Moi, je n'ai pas compris le film, alors. Tandis que j'en ai vu d'autres qui m'avaient passionné, mais celui-ci. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a plu ? Cet après-midi. Black Sweet, le film de Mom People. Oui, ça m'a tout à fait intéressé. Et puis hier, j'ai vu La vie rêvée, enfin, ou quelque chose comme ça. Ça m'a passionné aussi, mais j'ai pris goût, hein, celui-là, pas du tout. Ben moi je suis à la caisse, alors naturellement j'ai pas les yeux dans le dos, mais j'ai rien vu, j'ai un mur derrière. Voilà, j'aurais voulu voir, parce que ça m'aurait intéressé, c'est un cinéma qui sort de l'ordinaire, malheureusement. Je suis la première punie. Agresser Jacques Robert avec quelques critiques glanées ici et là. Premièrement, le festival est une opération parachutée par-dessus la tête des Toulonnais. Je ne crois pas que localement on puisse trouver des gens qui soient d'abord d'une part libres pendant 3 mois dans l'année pour voir les quelques, je sais pas, 120 ou 130 films que j'ai vus pour en sélectionner 18 ou 20. C'est pratiquement impossible, je veux dire, même si on se place au niveau du conseil d'administration du festival qui est quand même d'émanation locale, puisqu'il est tout de même, disons, des anciennes rencontres du festival d'hier, ben, même parmi ces gens-là, même seulement une personne n'a pas pu se libérer pour aller voir en projection tous les films, parce que ça pose à la fois des problèmes de temps pour les gens, mais en supposant même que ces problèmes soient résolus, ça pose aussi des problèmes financiers, dans la mesure où pour voir des films, il faut louer une salle de projection, il faut faire venir les copies à Paris, ce qui coûte à peu près 1000 nouveaux francs par film, en tenant compte des transports, des droits de douane, etc. Donc c'est impossible. Alors bien sûr, c'est pas parfait, mais il n'y a pas un seul festival en France ni au monde, je crois, qui fonctionne comme ça. Deuxièmement, les prix, c'est démodé et ça ne sert à rien. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution jusqu'à présent que de dire celui-là, c'est le meilleur qu'on a vu ici. Et une des meilleures preuves que je prendrai, un des meilleurs exemples que je prendrai pour démontrer ce que je dis, c'est que le Festival de Venise, qui était sans aucun doute le festival où on montrait les films les plus intéressants au sens artistique du terme, dans une compétition très commerciale jusqu'à ces 2 dernières années, bon, est tombé complètement à zéro, et tous les films qui passent à Venise vraiment passent complètement inaperçus, depuis que, en 72, je crois, si je me mémoire est exact, on a décidé de ne plus faire de compétition. Et à ce moment-là, passer à Venise, pour un producteur, non, il n'y a encore question d'argent, ou pour le réalisateur même du film, ça n'amène à rien. Alors notre but essentiel, et ça il faut le répéter sans arrêt, ça n'est pas de faire plaisir aux 500 Toulonnais qui peuvent aller voir les films qui passent ici, c'est essayer d'être utile aux jeunes cinéastes en leur permettant de faire des films et en les faisant remarquer par une compétition, par le soutien de la critique, par de tas de choses ici, et la confrontation avec le public, bien entendu. Troisièmement, le cinéma libre est traité en parent pauvre et il fait la guerre à l'autre cinéma. Oui, ben moi je dis tant mieux, parce que rappelez-vous des bagarres de la Nouvelle Vague en France. Bon, on disait Delannoy à mort, machin chose au poteau, le cinéma de papa c'est fini, et puis on amène autre chose. Bon, ben, la Nouvelle Vague a fait sans doute autre chose, ça, il n'y a pas de doute, ne serait-ce que la présence de Godard, par exemple, ou de gens comme Chabrol, enfin, à mon avis, qui sont les plus intéressants parmi ceux-là, enfin sans oublier Truffaut, Romer, Rivette, etc., enfin plein de gens comme ça. Bon, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tuons les autres pour prendre leur place. Bon, ils prennent leur place, non mais ils prennent leur place en faisant certainement autre chose que ce que faisait Delannoy avant eux, c'est évident. Bon, mais il est certain qu'ils doivent avoir conscience qu'ayant pris cette position à un moment, d'autres qui sont plus avant qu'eux vont se battre de la même manière pour prendre la leur. C'est-à-dire que moi, je ne voudrais pas faire le racisme du cinéma. C'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'on dise que le cinéma de demain, il est laissé pour compte. Seulement, je suis obligé, moi aussi, de partir de réalité pratique, matérielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour voir un film ici, je ne vois pas comment on pourrait le voir autrement que dans une salle. Donc, nous prenons une salle. Je crois qu'il faut considérer aussi que ce que l'on appelle le cinéma de demain, forcément, concerne un nombre de gens moins grand, un public moins large, que, enfin, j'espère en tout cas, que le cinéma d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai. Maintenant, si nous disions cinéma de demain, on fait des projections non-stop de 10h du matin jusqu'à 3h du matin et ne nous occupez pas des autres, on augmenterait finalement le cloisonnement en leur donnant une apparente liberté plus grande. Pour la bonne raison, c'est que des gens qui veulent aussi voir ce qui se passe au cinéma de demain et au cinéma d'aujourd'hui, si nous ne mettons pas exactement les mêmes horaires qui leur permettent de passer d'une séance à une autre, on va les empêcher d'aller voir l'autre cinéma. Et dans l'autre sens, on empêchera les gens qui vont au cinéma d'aujourd'hui d'aller assister aux séances du cinéma de demain, puisque les horaires ne seront pas exactement les mêmes. Alors c'est un petit défaut, je ne sais pas, il y a peut-être des suggestions, j'y ai pensé longuement et je ne suis pas arrivé à trouver une solution idéale, mais à mon avis la solution la moins mauvaise était quand même qu'ils rentrent dans le même cadre et qu'à l'intérieur de ce cadre ils soient complètement libres. Mais bon, je sais que quand on est un jeune cinéaste, vous rentrez dans un cadre, déjà ça ne lui plaît pas. Quatrièmement, les hommages aux comédiens, c'est idiot. Vous savez que pour faire un festival comme ça, cette année nous avons eu, enfin je parle en ancien franc, 21 millions et demi de subventions et c'est pas assez. C'est pas assez pour faire un travail sérieux et pour permettre de donner tout ce qu'il faut pour que les choses soient connues, pour que les choses passent dans les meilleures conditions. Ça n'est pas assez. Alors il est bien évident que quand on va voir une municipalité et qu'on lui demande de l'argent, parce que c'est la municipalité qui finance pour la plus grande partie ce festival, qui fait cet effort, la municipalité dit oui d'accord, on veut bien vous donner de l'argent, mais il faut que ça ait un certain retentissement. Alors il est évident que le retentissement, moi, je pensais l'obtenir, et d'ailleurs je suis revenu sur mon idée, parce que finalement j'ai vu que ça n'intéressait pas tellement les gens, les vedettes qu'on a amenées là, et j'en suis presque ravi que le volontariat n'est pas fait à sale comble. Bon, mais finalement, au niveau de la municipalité, on nous disait essayer d'attirer l'attention sur ce festival de Toulon par tous les moyens. Alors, j'ai pensé qu'on n'était pas putain dans la mesure où, quand on demandait à des comédiens de venir, on demandait des comédiens de talent, enfin, qui vraiment sont des gens qui s'intéressent au cinéma et qui sont intéressants en soi, et aussi on a fait venir pas mal de jeunes comédiens. C'était, disons, la concession, mais une concession qui, à mon sens, ne gêne pas le reste. Et c'est pourquoi nous l'avons fait. Maintenant, ceci dit, je crois que déjà par rapport à l'année prochaine, on a déjà envisagé d'autres améliorations, qui seraient par exemple de l'ordre de faire par exemple un hommage à un réalisateur important, à l'occasion duquel, hommage, on ferait venir peut-être des comédiens qui soutiennent ce réalisateur. Je prends un exemple, quand on a présenté le film de Harry Langdon, Trump, il y avait les Toulonnais qui étaient là, qui disaient « Moi, j'ai jamais vu un film muet, c'est fantastique, je m'imaginais pas ce que ça pouvait être ». Et ça, on oublie ça, parce qu'effectivement, il y a du temps qui se passe depuis qu'on a la cinémathèque, nous, Parisiens, qui avons de la chance. Et puis, brutalement, ils découvrent un film et ils trouvaient ça fantastique. Ben, je crois qu'au lieu de faire un hommage purement aux comédiens, si on avait dit, on passe les 5 longs métrages de Harry Langdon à raison de 1 par jour, et puis, parce que Maurice René aime ça et vient, il va dire, c'est génial, je trouve que c'est le plus grand comédien du monde. Bon, et à ce moment-là, tout le monde est content. Je crois finalement qu'on faisait moins de concessions et qu'on aurait certainement réussi un travail plus important. Ben, c'est l'expérience qui nous a montré qu'on se trompait là. Et j'en suis ravi. Non, on ne voit rien, que ce soit un univers très claustrophobe. Finalement, lorsque on est bien rodé, ben ça s'arrête. Hein. Au bout d'une semaine, voilà. Merci madame. C'est pour ça que je les trouve très fascinants. J'ai des éléments qui créent des émotions. On ne parle jamais dans cette émission, alors pour une fois, il faut en profiter, il faut dire le plus de bêtises possible. Et j'ai toujours des émotions contraires. Non mais d'accord. Jeunesse. Mais non mais d'accord, je veux dire, si par exemple tu disais par exemple, sur un film, tu parlais d'un film, moi j'aime bien le Dos Santos, en disant bon, c'est son 7e long métrage, c'est vrai. Le palmarès c'est à quelle heure? Le démarrage et l'extension de ce festival, finalement, ce brave Toulon, nous n'avions rien. Je dirais que tout à l'heure on se plaindrait d'en avoir trop. Il y a toute la partie pince-fesse. Blue, response, desire, to, then, the, open. Vous avez vu la grande bouffe, non? Vous avez de quoi faire une petite émission? C'est fini. C'est fini. Et si on disait terminé plutôt? C'est fini. Clap sur les rencontres internationales du jeune cinéma à Toulon. Voix Marie-Christine et Isabelle. Pierre Girard, Richard Rhin. Myron Merson, Janine Chollet. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 juin 1973. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.